Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Hors-Champ, le podcast des cinéphiles de l'EJT. Pour ce deuxième épisode de la saison 2, un conseil. Faites vos bagages, nous allons voyager. Nous monterons à bord avec Audrey et Angela, totalement chamboulés par le film Flo, biopic d'une navigatrice téméraire. Après ce périple, un autre nous attend. Martin va nous transporter dans le monde imaginaire d'Hayao Miyazaki. Son tout nouveau film, aussi complexe que captivant, vous amènera dans des contrées lointaines. Le voyage, c'est l'aventure, mais pas que. Les raisons pour partir découvrir le monde sont multiples. Se trouver, se retrouver ou encore se construire. Anaïs nous parlera de trois films où le voyage est au service de la quête de soi. Encore un peu de patience avant de les découvrir. Au cinéma, les spectateurs voyagent mais ne voient pas tout. Qu'en est-il du hors-champ ? Charlotte, notre chroniqueuse et Romain, caméraman, nous livreront quelques éléments de réponse. Enfin, nous ne pouvons pas passer à côté du film Retour vers le futur. Qu'elle nous fasse rêver ou frissonner, une expédition dans une autre époque est un incontournable des grands écrans. Notre voyage s'achèvera avec Apolline, qui nous exposera l'agenda de la semaine. Larguez les amarres, cap sur la critique de la semaine. Audrey et Angela, vous êtes allés voir Flo, le premier long métrage de Géraldine Danon. Ce biopic relate l'histoire de la navigatrice Florence Artaud, décédée en 2015 dans un accident d'hélicoptère. On écoute un extrait qui résume bien le film. À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mourir. Alors les moussaillons, ça vous a plu ? Écoute Déborah, on a adoré. Pendant 2h10, on prend nous aussi le large en partant à la découverte de cette navigatrice passionnée, pétillante de vie, jouée par Stéphane Caillard. On a trouvé l'actrice extraordinaire et on recommanderait d'ailleurs d'y aller rien que pour cette performance. Le film est un véritable plongeon dans la vie de la petite fiancée de l'Atlantique, comme était souvent surnommée Florence Artaud. Sont abordées ses déceptions amoureuses, son dévouement pour l'océan, jusqu'à sa victoire de la route du Rhum en 1990. Des sujets plus graves sont aussi traités, comme le deuil ou les violences conjugales. En bref, c'est un film poignant, touchant, on en ressort plein de force et d'énergie. L'histoire a l'air géniale, mais ce n'est pas la seule chose qui vous a marqué. Audrey, la bande sonore t'a particulièrement touchée. Oui, franchement, je pourrais vous parler de ce film pendant des heures. Mais surtout, j'ai été marquée à la fois par la musique et les sons. Les musiques étaient entraînantes et reflétaient cet élan de liberté et de détermination qui anime Florence Artaud tout au long de sa vie. Pour les bruits, on avait l'impression d'être au milieu de l'océan avec elle. Les bruits du vent et de la mer donnent cette envie de respirer la liberté. Une véritable invitation au voyage. On comprend bien l'importance de la musique dans ce biopic, mais Angela a été émerveillée par un autre élément. Absolument. En discutant avec Angela, je me suis rendu compte qu'elle avait été percutée par les images, la beauté visuelle du film. Les plans sont apaisants, avec des couleurs chaudes et l'horizon. On a vraiment cette impression de vivre sur ce bateau. Flo a vraiment l'air d'être une réussite. Il a d'ailleurs été présenté hors compétition au Festival de Cannes. Pourtant, il fait polémique vis-à-vis de l'image qu'il renvoie de la navigatrice. Effectivement, Déborah, il y a un conflit entre la réalisatrice et la famille de Florence Artaud. Les proches de la navigatrice sont très critiques envers la manière dont elle apparaît dans le film. Rebelle, extravertie, presque impulsive, elle est dépeinte comme une personne déraisonnable, n'en faisant qu'à sa tête. S'ajoute à ça l'alcool, le sexe et la débauche en général. La famille est donc intervenue à plusieurs reprises dans la presse pour défendre sa mémoire. Et ça ne s'arrête pas là. L'affaire s'est même poursuivie en justice, puisque la fille de Florence Artaud voulait obtenir une copie du scénario, une requête rejetée en avril dernier. Géraldine Danon, la réalisatrice, a estimé qu'elle rendait hommage à Florence Artaud, qui était une grande amie à elle. Oui, Géraldine Danon s'est récemment défendue sur Instagram, qualifiant son film, je cite, « d'une ode à Flo » qu'elle décrit comme « sa sœur de vie ». Quoi qu'il en soit, fiction ou vérité n'est pas vraiment la question. Avec Audrey, on a trouvé le personnage du film solaire, amoureuse de la vie et farouchement déterminée à atteindre ses objectifs. Ça donne le smile et c'est le principal. De quoi donner encore plus le smile, ce film a aussi une dimension féministe. Oui, le film explique différents points du féminisme. Florence est la seule femme dans un monde d'hommes, de marins, de solitude. Dans le film, elle défend une femme battue par son conjoint, c'est une battante. Sa détermination est un élément clé du film, elle l'emporte même sur la raison. Elle gagnera la route du Rhum ou rien. C'est une ode à la force mentale et physique des femmes. Je vous conseille vraiment d'aller jeter l'ancre au cinéma pour voir ce film. Je vous embarque maintenant dans un tout nouveau voyage avec Martin. Notre chroniqueur va présenter le film de Hayao Miyazaki, Le garçon et le héron. Alors fermez les yeux et laissez-vous guider vers un univers fantastique. Cela faisait 10 ans que le réalisateur japonais n'avait pas sorti de projet. Le spécialiste du cinéma d'animation nous propose ici un voyage entre plusieurs mondes. On y suit la nouvelle vie de Maito, un jeune tokyoïte orphelin de sa mère depuis qu'elle a péri dans un incendie. Son père se remarie et vit avec sa nouvelle femme Natsuko à la campagne. L'enfant emménage dans leur manoir et aperçoit un héron cendré dès son arrivée. On s'attend à une belle histoire entre un être humain et un animal. Mais ce dernier attire Maito dans une tour abandonnée où sa belle-mère enceinte a disparu, ce qui s'avérera être un piège. À la lecture du titre, on peut en effet s'attendre à une amitié entre le garçon et le héron, mais l'animal semble plutôt machiavélique. Leur relation est plus complexe. Le héron fait miroiter à Maito que sa mère existe encore. L'enfant n'est pas dupe, mais cherche à savoir ce que l'animal lui veut et parvient à le dompter. On découvre alors une créature thérianthrope, mi-animal, mi-humain, fidèle à l'univers de Miyazaki. L'homme héron accepte de le mener à Natsuko sur ordre d'un mystérieux personnage, apparemment maître des lieux. Les deux plongent dans un monde parallèle et menaçant où des pélicans poussent Maito à la frontière du royaume des morts. Le garçon est sauvé par une des suivantes de Natsuko qui l'initie à ce nouveau monde. Elle l'aide à se réconcilier avec le héron et tous deux partent à la recherche de la belle-mère. Tout comme la relation entre le garçon et le héron, l'histoire est finalement assez complexe. Le film retrace les pérégrinations du binôme dans ce cosmos alternatif. Il rencontre de nouvelles espèces comme les Warawara, qui sont en fait une allégorie des nouveau-nés. Ils s'élèvent dans les cieux pour éclore dans le vrai monde. On trouve également les perruches, dont l'objectif est de manger les humains égarés dans les limbes. Dirigés par le roi perruche, leur rôle est aussi de défendre la tour qui permet de revenir dans le monde original. Nous pouvons nous demander, à juste titre, si la musique du film nous transporte elle aussi dans ce monde imaginaire. La BO est assez spatiale et un peu minimaliste. Le compositeur Joe Hisaishi nous fait penser à Hans Zimmer dans certaines de ses mélodies. En recherchant Natsuko, Maito est en quête de figure maternelle et sera épaulé par des compagnons d'infortune. Pour conclure, l'une des dernières réalisations de Miyazaki nous montre une odyssée dans un environnement complexe où règne bien et mal. Le japonais signe un film autobiographique, riche et parfois déstabilisant. On vous laisse découvrir si le petit Maito parvient à retrouver sa belle-mère et à sortir de la tour. On accueille maintenant Anaïs, plus terre à terre, qui va nous parler de 3 films où voyage et quête de soi ne font qu'un. Je ne pouvais pas parler de film de voyage sans parler d'Into the Wild, réalisé par Sean Penn. Basé sur un voyage en road trip, ce film aborde aussi un autre type d'aventure, la quête de soi. Dans ce long métrage, on suit un jeune diplômé de 22 ans qui décide subitement de prendre la route pour tout plaquer et vivre d'aventure. En voiture, il découvre l'Arizona, le Grand Canyon et la Californie. Il essaie aussi différents petits boulots pour continuer son voyage. Il se met ensuite en quête de l'Alaska. Sans en dire plus, Into the Wild célèbre à la fois leur voyage en road trip, mais également celui spirituel, autour de la quête de la solitude. Le jeune homme, interprété par Emile Hirsch, cherche à se retrouver seul face à lui-même, en pleine communion avec la nature. Inspiré du roman de John Krakauer, le film retrace ce voyage atypique pendant une durée de 3 heures, de quoi vous plonger au mieux dans l'ambiance. Dans cette histoire, le personnage principal voyage pour se retrouver seul. Anaïs, parle-nous d'un autre film où cette fois-ci, c'est la solitude qui va pousser au voyage. Dans le même esprit, on retrouve Manche Pris M. C'est un film de Ryan Murphy avec Julia Roberts en premier rôle. Après un divorce, une femme décide de partir en voyage pour changer de vie. Entre l'Inde, Rome et Bali, elle cherche à se retrouver avec elle-même pour reprendre goût à la vie. Tu nous as conté le voyage d'un homme seul face à lui-même et celui d'une femme en reconstruction. Tu nous réserves un dernier film dans lequel un personnage se construit grâce aux bienfaits du voyage. Car Sean Penn et Ryan Murphy ne sont pas les seuls à mêler aventure et quête de soi, on part direction le Japon avec le château ambulant de Hayao Miyazaki. Dans ce film du studio Ghibli, on rencontre Sophie qui se retrouve victime d'une malédiction, la transformant en vieille femme. Elle s'enfuit dans les montagnes où elle va découvrir la demeure du roi Haru, le château ambulant. Elle rencontre différents personnages qui vont la guider dans cette aventure pour échapper à la malédiction. Plus qu'un récit d'aventure, le château ambulant apporte également un message sur la quête d'identité. Alors que Sophie est discrète et peu sûre d'elle au début du film, son personnage va évoluer à mesure qu'elle prend confiance en elle. En continuant ce voyage, elle aide également les personnages qui l'entourent. La quête de soi est déterminante pour l'héroïne et on remarque que son apparence de vieille femme varie selon ses émotions. Elle se retrouve physiquement et psychologiquement lorsqu'elle prend confiance ou qu'elle se libère. Bien plus qu'une histoire de voyage, Miyazaki nous montre subtilement que lorsque l'on s'épanouit, on resplendit également aux yeux des autres. Et voilà, on a les droits. Pour pas cher à mon avis. Bien confortablement installés, popcorn à la main, les films nous font voyager. Mais pour envoûter les spectateurs, les techniciens de l'audiovisuel et les caméramans ne sont pas en vacances. Charlotte s'est penchée sur le film de Mad Max Fury Road. Romain, un professionnel de l'audiovisuel, nous expliquera comment on réalise un film atypique. Eh oui, Déborah. Allez, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou pour faire une petite piqûre de rappel, Fury Road, c'est Max, joué par Tom Hardy, qui est capturé par des barbares dans une citadelle troglodyte. Et Charlize Theron, alias Furiosa, qui fait s'échapper les poules pondeuses d'Immortan Joe à bord d'un énorme camion de combat. Les jeunes filles sont prisonnières de ce maître incontesté de la citadelle où règne la terreur. Les filles et Max partent à la recherche d'une terre promise et fertile. On est embarqué dans une course-poursuite haletante pour échapper à la fatalité et à Immortan Joe dans ce film. Les personnages se poursuivent au volant de voitures de guerre infernales et ils dévastent tout sur leur passage. On est embarqué au milieu du désert namibien et c'est là que tout se joue. Il y a des carambolages explosifs et meurtriers dans une ambiance rock'n'roll que j'adore. C'est en 2015 que George Miller réalise ce film. Mais la question est comment on filme une telle aventure? Je vous laisse donc avec Romain, qui a bien voulu répondre à mes questions. Bonjour Romain. Bonjour. Tu es professeur de technique cinématographique, tu es aussi caméraman sur des films. Exactement. Mad Max Fury Road, c'est un de tes films préférés. Tu vas nous en parler. Ma première question, c'est dans ce film d'aventure et d'action, quelle est ta scène la plus impressionnante techniquement? Pour moi, la scène la plus intéressante à analyser techniquement, où c'est une vraie prouesse, c'est toutes les scènes qui mettent en lien le porte-guerre et tout le convoi qui les poursuit, surtout sur la fin du film, quand le convoi retourne vers la cité. Le film a demandé pratiquement 1000 techniciens présents sur plateau, longueur du tournage. 1000 techniciens, ça veut dire énormément de cascadeurs. 80% des effets spéciaux sont réellement faits. D'un point de vue technique, dans les scènes de course-poursuite, comment est-ce que c'est filmé? Alors, le but, voilà, c'est de créer une stabilité, une précision dans ce qu'on montre. Et John Seal, donc le directeur de la photographie, a réussi à convaincre le réalisateur de tout filmer en multicaméra, ce qui n'était pas le cas de base, avec des appareils très différents les uns que les autres. On va de la caméra professionnelle à plus de 200 000 euros jusqu'à au Canon 5D, petit appareil qui peut être acheté à la Fnac. Et donc des technologies particulières ont été inventées ou utilisées d'abord pour le film, par exemple le Russian Arm, qui est une immense grue pilotable à distance par un technicien, le tout monté sur des gros 4x4. Voilà, ces caméras sont extrêmement mobiles, ça permet un niveau de précision et de qualité optimum. Cette technologie coûte extrêmement cher, on parle de 1 million de dollars le véhicule, sans compter la caméra mise dessus. D'autres véhicules ont été créés pour filmer le mouvement en même temps que la caméra principale, donc c'est tout l'intérêt du multicaméra. Des véhicules, des buggies designés selon l'univers de Mad Max se cachent dans les plans, dans certains plans du film, et ces véhicules dans le convoi sont utilisés pour filmer des images en plus avec des caméras cachées dans les véhicules, dans les capots, voilà. Merci beaucoup Romain. Un grand merci à Charlotte et Romain pour ces éclaircissements plus que nécessaires. Si je vous dis, faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps, au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule. Vous aurez peut-être reconnu le Dr Brown dans Retour vers le futur. Je vous invite à attacher vos ceintures, vol imminent. Direction vers une scène culte du film, à bord de la DeLorean, pilotée par notre chroniqueur Lucas. Et oui, je vais vous parler de la scène du bal de promo dans le cultissime Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis et sorti en 1985. Alors pour rappel, l'intrigue du film est la suivante. Dans la ville de Hill Valley, en Californie, le jeune Marty McFly mène une vie de lycéen tout à fait banale. En dehors des cours, il passe son temps à jouer de la guitare et très régulièrement, il rend visite à son ami le Dr. Brown, un personnage totalement déjanté qui met au point toutes sortes d'inventions plus foireuses les unes que les autres. Et il se trouve qu'en ce mois d'octobre 1985, l'une d'entre elles vient de marcher et ce n'est pas n'importe laquelle. Lucas, tu attises notre curiosité. Eh bien, le doc a tout simplement inventé la machine à remonter dans le temps. Alors bien sûr, le soir même, il s'est empressé de montrer son invention à Marty. Sur le parking d'un supermarché, les deux compères ont testé cette nouvelle trouvaille, mais tout ce n'est pas passé comme prévu, et le pauvre Marty s'est retrouvé projeté 30 ans auparavant, le 5 novembre 1955. À cette époque-là, ses parents ne s'étaient pas encore rencontrés. Sa mission était donc de s'assurer qu'ils se rencontrent pour que son frère, sa sœur et lui-même puissent exister dans le futur. Cette quête a donné lieu à une scène mythique, celle du bal de promo, au cours duquel Marty a réussi à réunir ses deux parents pour une danse. Super, tout est bien qui finit bien. Eh ben pas tout à fait. Le guitariste du groupe qui jouait venait de se blesser la main, il fallait donc un remplaçant. Et c'est là que Marty est entré en scène, il a pris la guitare et rejoint le groupe. Après une chanson plutôt bien réussie, les musiciens ont proposé à l'adolescent de jouer un morceau de son choix. Et en rocker qui se respecte, il a choisi un classique du genre avec Johnny B. Goode de Chuck Berry. Seulement, la chanson est sortie en 1958, soit 3 ans après le bal de promo. Les spectateurs ont donc été pris d'un sentiment d'extase mêlé à l'incompréhension face à ce son de guitare qu'ils n'avaient encore jamais entendu. D'ailleurs, le chanteur qui s'est blessé la main n'était autre que Marvin Berry, le cousin de Chuck Berry, et on voit une scène où Marvin appelle Chuck et lui dit « Écoute, j'ai trouvé le son qu'il te faut », entendant le téléphone en direction de la scène. Le réalisateur Robert Zemeckis s'amuse ainsi à déformer l'histoire et a en quelque sorte attribué la naissance du rock'n'roll à Marty McFly. D'ailleurs, pour l'anecdote, Johnny B. Goode n'a pas fait que voyager dans le temps grâce au film Retour vers le futur, et oui, car la chanson voyage aussi dans l'espace depuis 1977. Elle fait partie des 27 morceaux de musique qui sont compilés dans ce qu'on appelle les Voyager Records, avec l'accent anglais ça va bien. Ce sont deux disques qui ont été envoyés dans l'espace par la NASA à destination de potentiels êtres extraterrestres. Merci Lucas, nous terminons cette chronique « La tête dans les étoiles ». Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, avec ce temps pluvieux, Apolline vous a concocté un agenda de la semaine bien rempli. Et oui, je vous propose un retour en plein dans l'adolescence, en tout cas la mienne, puisque c'est un nouveau Hunger Games qui sort au cinéma la semaine prochaine. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur est un préquel de la saga à succès portée par Jennifer Lawrence. Je ne vous spoil, ou plutôt divulgage pas en bon français l'histoire, mais je peux vous parler du très très bon casting de ce film, Hunter Schafer qui joue le rôle de Jules dans l'incroyable série Euphoria, Peter Dinklage, donc Tyrion Lannister dans Game of Thrones, ou encore Viola Davis, c'est-à-dire Annalise Keating dans How to Get Away with Murder. Avec un casting pareil, impossible de ne pas vous voir en salle le 15 novembre. Pour patienter avant la sortie d'Hunger Games, un festival un peu spécial s'installe à Toulouse. Je vous donne un indice. Apesanteur. C'est un festival sur l'aérospatial, il s'appelle Des étoiles et des ailes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il s'étend à plein de formats différents. Salon du livre, conférences, simulateurs, et bien entendu projections de films. Tout ça tourne toujours autour du domaine de l'aérien et du spatial. Alors au niveau des films, c'est une sélection pour petits et grands qui s'étale sur tout le week-end au cinéma UGC Montaudran et qui se termine en beauté par la projection de Top Gun dimanche à 15h40. Et le gros plus, c'est que c'est totalement gratuit. Vous passez à l'Envol des Pionniers où se déroule le festival, c'est à 200 mètres du cinéma, et ils vous distribueront des places offertes. Samedi, c'est Mission sur Mars qui sera diffusée, et dimanche, le film Boîte Noire avec Pierre Niney. De quoi se faire un petit marathon du film. Mais si on préfère activer le mode cocooning et rester au chaud chez soi, Apolline a aussi la solution. Oui, alors là, deux possibilités. Soit on reste dans le classique et on se délecte de la rediffusion des Harry Potter tous les mardis. Et la semaine prochaine, vous aurez le droit au 4e volet de la saga, Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc préparez vos plaids et vos bières au beurre. Sinon, sur Netflix, vous pouvez laisser sa chance au film The Killer qui sort demain, le 10 novembre, donc sur la plateforme. Il a été réalisé par David Fincher, qui n'est autre que le réalisateur de Fight Club. Et au casting, Ethan Hawke et la grande Julia Roberts. Le film raconte l'histoire d'un tueur à gages qui se retourne contre ses clients après un contrat qui tourne mal et qui les traque à travers toute la planète. Merci Apolline, on a de quoi bien s'occuper. Nous espérons que ce podcast vous aura fait voyager et un peu oublier la fin des vacances de la Toussaint. Pour ma part, je raccroche le micro et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hors-Champ. Mais quel sera le thème ? Allons, je vous en prie messieurs. Si au contraire il y a un mot qui convient, n'est-ce pas Bird ? Oui, il faut le leur dire. Bien.